Comme il vit que personne ne s'occupait de lui, il s'impatienta et, s'approchant de M. Martel, « Vous ne me connaissez pas, hein? Eh bien, je suis venu de Montréal exprès pour vous combattre. Et, à moi tout seul, je vais vous démancher vu de tous les trois. Mon nom est Proulx. » »« C'est vrai, je ne suis pas capable de vous placer, mais mon cheval vous connaît bien. »« Comment ça? Votre cheval me connaît? » »« Ben oui, tout le long du chemin, il s'est tenu la queue en l'air, drette, vous savez. Et je l'entendais qu'il faisait. Prut, prut, prut. Je pensais qu'il vous parlait. Passons voir ce que Jean Seb a préparé. Je crois qu'il est retourné faire un tour du côté de chez Netophonix. Alors, bonjour tout le monde, ici Jean Seb et je vous souhaite la bienvenue pour la capsule nouveauté du podcast audio des Éditions de l'Avenir. Bulletin qui vous informe sur les nouveautés francophones et, si possible, québécoises de l'univers audiophonique disponible sur le net. On se retrouve à présent en plein été. Je n'ai pas encore pris mes vacances. Pour ma part, ce sera au début du mois d'août. Donc, dès la sortie de ce podcast, je serai en vacances. Du côté de mes écoutes, la semaine passée, j'étais un petit peu découragé du côté de Netophonix. Je trouvais qu'il n'y avait pas eu beaucoup de sorties pour la saga de l'été, reconnaissable du fait que les chiffres 2013 entre crochets sont présents au début du titre. Mais là, au moment où j'enregistre, il y a eu comme une éclosion, ça prolifère. Alors, félicitations aux participants. Et plaisir incommensurable pour les auditeurs. Comme tel, je ne m'en suis écouté qu'un seul. Il s'agit de l'affaire du manoir Glasgow. Ils sont rendus au troisième épisode. Ça a été soumis par Bogie. Et à date, j'aime beaucoup. C'est l'histoire, sous forme d'un Sherlock Holmes, d'un vieux schnock qui se fait assassiner juste après avoir avisé ses proches qu'il changeait les modalités de sa succession. Et qu'au lieu de sa fortune, ils auront droit à... Ah non, je vous le dis pas. Je me serais trouvé drôle. Mais c'est encore plus drôle de l'écouter. J'ai vraiment trouvé drôle aussi le jeu des voix avec le meurtrier. Dans cette saga, on joue comme j'aime, avec tout l'absurde que l'audio permet. Et surtout pas de petite voix fatigante. C'est très bien joué, très bien léché, c'est du solide. Vous avez quel âge, monsieur? Mais c'est pas possible! J'ai 80 ans! Ah! Mais c'est quoi ça? Je me présente, monsieur Lenoir, le seul et l'unique, en chair et en os, ou du moins tout ce qu'il nous reste. Mort depuis 10 heures. Vous êtes pas censé être mort, vous. Je le suis, mais on m'a posé une question. Il est tout à fait normal que je réponde. J'ai jamais vu un mort répondre. En même temps, on l'empêche jamais de questions. Bonjour, monsieur. Je vous souhaite la bienvenue dans mon manoir. C'est pas vrai. Non, mais dites-moi que c'est un cauchemar. Hey, je vous avais bien dit que ça allait marcher. Ouais, c'est ça. Un autre audio déniché chez Netophonix, nos souvenirs d'enfance. Soumis par Princess Magic. Il ne fait pas partie de la saga de l'été. Il est arrêté la présence de Bohort et de Prexel, qui sont présents dans plusieurs autres distributions. Alors, nos souvenirs d'enfance, j'ai trouvé que c'était rafraîchissant. Le style est bien défini, la musique, les effets sonores sont bien réglés. Le synopsis de Princess Magic pour la saga, nos souvenirs d'enfance, est la suivante. Milad arrive enfin en Normandie avec sa mère, mais étant de nature énergique et caractérielle, le calme de la campagne est-il vraiment fait pour elle? quand elle se rend compte de la vie ennuyeuse du coin, ses nouveaux voisins n'arrangent pas forcément la situation. Le type de saga est catégorisé selon univers, jeu, amour, sucré. À l'écoute, j'ai eu l'impression de retrouver l'univers de Au pays de Candy. C'était vraiment cool. Merci beaucoup. Et je poursuis l'écoute à coup sûr. Lysandre, Leg, venez dire bonjour à nos nouvelles voisines. Voilà, je te présente mes fils. Leg le grand et Lysandre le petit. Il a les yeux pour voir en 3D. Ah oui, il a des yeux verrons, oui. Mortel. Tes nouvelles victimes. Ah non, tu ne les embêtes pas comme ce pauvre chat. Quand tu vas en 3D, ça fait quoi? Une autre saga. Bâle. La tour de Bâle. C'est rare, mais j'ai commencé par écouter le vidéo de la bande-annonce. Ça m'a fait croire que j'allais assister à du Jean-Christophe Granger ou du Scott Sigler. C'était palpitant. J'ai été un petit peu déçu au début par le côté léger et gamin. Mais tout compte fait, c'est impec. La trame sonore est intense et bien choisie, bien montée. On suit très bien la trame de l'histoire, les voix elles sont très justes les unes par rapport aux autres, les répliques sont très bien faites. Alors pour cette saga, la tour de Bâle, je vais absolument continuer l'écoute. Je suis dans la merde. Jusqu'au cou, ajouta-t-il en pleurant. Son destin est aujourd'hui de sauver le monde. Lui qui n'a jamais rien fait d'autre que de picoler et ramasser des coups dans les bars, se voit désormais confronté au pire. Pourquoi? Mais laissons donc ce crétin pleurnichard de côté, pour nous intéresser de nouveau à nos compagnons de route. Ah, quand même, j'ai bien cru que t'allais pas y arriver. Ouais. Chaque chose en son temps, les gars. La patience est une vertu. Du côté de iTunes, je tiens à vous faire écouter Nuit Noire. Chaque semaine, des professionnels de la radio nous soumettent deux histoires remplies de tension, de meurtre, où l'on côtoie chaque fois la folie sous une forme ou une autre. Ça ressemble beaucoup à des films, c'est léché, c'est un incontournable. De mon côté, à moi... j'ai fait l'acquisition d'un petit micro pour aller avec mon enregistreuse. J'espère que le son sera bon. Et je m'ennuie beaucoup de mon ancien lecteur audio, mon Senza, dont la pile n'est plus fonctionnelle. Malheureusement, comme ça arrive souvent sur ces petites machines, je suis obligé d'utiliser un Sony. Ce n'est, somme toute, pas un mauvais appareil. Le seul problème, c'est que je ne peux pas le convertir à Rockbox. Rockbox est un site où on peut changer le firmware de son lecteur. Le firmware comme tel, c'est le programme, l'interface, les menus, les options et tout ce qui fait fonctionner notre petit lecteur MP3. Avec Rockbox, on peut le configurer à sa guise. Les options essentielles qui me manquent pour moi sont de pouvoir effacer directement depuis l'appareil les fichiers que j'ai écoutés. Dans mon cas, je suis abonné à une 60aine d'émissions sur iTunes, parfois anglophones, des francophones. Après ça, les sagas que j'écoute. Et selon les circonstances, ben parfois j'aime mieux écouter certaines émissions avant d'autres que je les écoute seulement lorsque j'ai du temps, à la fin de la semaine. Mais après deux jours, là, j'arrive plus à savoir où j'en suis rendu. Je suis obligé de réécouter mes émissions. Lui, je l'ai écouté. Suivant. Pas sûr. L'autre fonctionnalité qui m'était essentielle était de pouvoir augmenter la vitesse de lecture. Pour les sagas, c'était possible de monter à environ une demi-fois la vitesse normale, mais certains podcasts s'écoutent très bien à deux, voire presque trois fois la vitesse d'origine, ce qui fait que ma cadence d'écoute a beaucoup diminué depuis quelques mois, et je m'en ressens beaucoup pour la chronique. Alors, en regard de mon petit micro, gênez-vous pas, faites-moi vos commentaires si vous voulez d'autres choses, pas de problème, jshamel99@gmail.com. À vous les studios! Merci Jean-Seb. En passant, La musique utilisée par Jean Seb est signée Kevin MacLeod d'Incompetech.com. Dans le cadre du feuilleton, nous poursuivons ce mois-ci l'aventure de l'estrade à genre très spécial. Je le rappelle, il s'agit d'un audiodrama avec effets sonores et musique d'ambiance que j'ai adapté d'un de mes romans inédits. Voici donc le deuxième épisode de l'estrade à genre très spécial. Les éditions de l'avenir présentent l'estrade à genre très spécial par Christian Martin. La galaxie en quête du scélérat. Il affronte les bandes de malfrats en voie du pugilat. Il déteste les congés payés. Ce qu'il aime, c'est l'action. C'est pourquoi il est rassuré quand il voit son patron. Ramène toujours la rançon. Deuxième épisode, les chantiers de Loop Docks. Dans le précédent épisode, Les, agent très spécial, apprend que la fille du ministre des Finances de Trajan a été enlevée en plein astroport devant plusieurs témoins. L'unique piste qu'il détient, la signature du propulseur du yacht ayant servi au ravisseur, le conduit à l'usine spatiale d'Issub, où il découvre que des plans ultra-secrets ont été volés par un petit droïde. Malheureusement, monsieur le directeur, vous aviez raison. Le droïde a effectivement téléchargé deux documents ultra-secrets. Lesquels ? Le 212 BRSS 447S3 et le 369 TRIS 665Q2. Non ! Ressaisissez-vous, monsieur, ce n'est pas le moment de tourner de l'œil. Vous avez un droïde pirate qui se balade dans l'usine. Je suggère de le retrouver au plus tôt. Mieux. Un peu. Vous savez, dès que j'ai constaté les dégâts, j'ai placé Issub en quarantaine. Personne n'a quitté les docks depuis. Personne ne s'est amarré non plus, sauf vous. Pas étonnant que tous les astros rencontrés lors de notre arrivée rêvent de s'offrir une peau tannée de directeur. Vous allez m'aider à retrouver le droïde, n'est-ce pas ? Pas si vous continuez à vous emparer de mon bras. Je n'ai rien contre les contacts intimes, mais vous n'êtes vraiment pas mon genre. Excusez-moi. Bon, maintenant, voyons un peu ce que je peux faire pour vous. Gus, tu m'entends ? Bien sûr, garçon. Je te fais remarquer que les 15 minutes que tu t'étais allouées pour ta visite du sub sont dépassées depuis longtemps. Et il y a une bonne raison à cela, vieille fripouille. Le bon directeur de l'usine a des ennuis. Un petit droïde espion lui a dérobé des plans ultra secrets. Un quoi ? Un droïde espion. Ougre. Comme tu dis, on va lui donner un coup de main pour retrouver le petit voleur. Aussi, branche tout ce que t'as de senseur à bord du coup de peau et balaie l'intérieur de l'usine. Entendu, garçon. Plutôt impertinent, votre hologramme, non ? Je peux vous arranger cela si vous voulez. En quelques heures, je lui donnerai une nouvelle personnalité. Merci de votre offre, monsieur, mais ce ne sera pas nécessaire. Depuis le temps qu'il est avec moi, je m'y suis habitué. Comme vous voudrez. Garçon, j'ai quelque chose. Un écho dans le secteur 4. Compris, nous y allons. N'oubliez pas de remettre votre protecteur auditif, mon cher. la voiturette. Ou bien gros, ton droïde garçon. Tu es sûr d'avoir besoin de moi? Sûr. Garde un œil sur lui et avertis-moi s'il se déplace. Avec toutes les interférences qu'il y a ici, je ne réussis même pas à le localiser. Tu approches, garçon. La bestiole n'a pas bougé? Non, j'ai l'impression qu'elle se terre. Nous voici dans un très vaste entrepôt. Tiens, toutes les interférences ont disparu de mon localisateur. Il ne reste plus qu'un bip, qu'un seul. Le droïde. L'entrepôt est protégé? Oui, il y a ici des composants très fragiles qui ne supporteraient pas les rayonnements vibrations de l'usine. Nous pouvons retirer les protecteurs auditifs. Arrêtons-nous, monsieur le directeur. Nous sommes assez près. Avant d'aller plus loin, tâchons de coordonner notre action. Il faut d'abord empêcher la bestiole de quitter cet entrepôt. Est-il possible de verrouiller toutes les issues? Mais certainement. Contrôle. Verrouillez toutes les issues de la section 4. Gus? Oui? Tu lis la même chose que moi sur tes appareils? Le droïde n'a toujours pas bougé? Toujours dans son trou, garçon. C'est étrange, non? Il aurait dû nous repérer maintenant et tenter de filer. Ah, oh, plus intelligent que je le croyais, l'insecte. Il s'est placé volontairement en mode repos afin d'éviter la détection. Malheureusement, c'était compté sans moi. Il est pratiquement aveugle en mode repos. Voilà qui explique son inertie. Cela devrait nous faciliter la tâche. Monsieur le directeur, continuez dans la voiturette. Vous l'affronterez de face. Moi, je le contournerai. Attendez mon signal pour agir. Bien. Gus, à la moindre réaction de la bestiole, tu m'avertis. Bien sûr, garçon. Selon mon localisateur, je dois d'abord contourner ces caisses énormes et ces conteneurs coulés d'une pièce. J'y suis. Mais où reste donc l'insecte? Ah, je l'aperçois. Par terre, dans ce recoin sombre. Elle repliée, il ne bouge pas. Il ressemble effectivement à une libellule de 6 ou 7 cm de long. Maintenant, monsieur le directeur. J'arrive, mon cher, j'arrive. Oh, oh, oh, l'insecte a frémi des antennes. Crash, il s'est réveillé. Vite, agir avant qu'il ne se défile. Ouf, zut, raté. Il s'envole, garçon, il s'envole. J'avais remarqué. Dis-moi plutôt où il se trouve. Il se dirige vers le sas principal. Ah, voici le directeur et sa voiturette. Montez, mon cher, montez! Au sas principal, chauffeur. Il faudrait peut-être songer à freiner, monsieur. Le sas principal approche rapidement et... Il revient! Oh, superbe! Vous l'avez attrapé au vol! Débarrasse-toi de ça, garçon, vite! Il est en train de s'autodétruire! Planquez-vous, monsieur! Pas d'explosion, mon cher? Apparemment, non. Le droïde semble se consumer de l'intérieur. Il n'en reste plus rien. Dommage. Un examen attentif nous aurait peut-être permis de découvrir l'identité du petit génie qu'il a envoyé à Issub. Peu importe. Seul compte le fait que les plans n'aient pas quitté Issub. Je me moque de connaître l'identité de l'espion. Cela dit, je ne sais comment vous remercier. J'ai bien une petite idée. Dites, mon cher, dites. Je n'ai rien à vous refuser. Je vous dois ma carrière. J'aurais une petite information à vous demander. Faites, faites. J'aurais besoin de connaître le nom de tous vos clients qui ont acheté un propulseur hyperspatial dont voici les spécifications. Laissez-moi voir. C'est facile. Nous ne fabriquons ce genre de propulseurs hyperspatiaux que depuis 2 ans, et uniquement pour les chantiers des Lubdocs. Une commande spéciale, si l'on veut. Lubdocs ? C'est donc à eux que vous avez vendu le propulseur qui m'intéresse ? Oui. Si les chantiers de Lubdocs ont acheté le propulseur installé sur le yacht qui a servi à kidnapper la fille du ministre des Finances de Trajan, ils deviennent suspects. Combien leur en avez-vous vendu ? 23, précisément. 23. 23 yachts dont il faudra retrouver la trace. Au fait, dites-moi, monsieur, avez-vous reçu la visite de quelqu'un de Lubdocs ces derniers jours ? Ils sont venus chercher une commande il y a 3 jours. Vraiment ? Je vois ce que vous voulez insinuer, mon cher. Vous croyez que ce sont les gens du Lubdoc qui ont introduit le droïde dans l'usine. Mais leur visite à ce moment ne prouve absolument rien. Lubdoc est un client régulier. On les voit arriver toutes les 2 semaines. Ce n'est pas comme s'ils étaient un nouveau client. Ils font l'affaire avec nous depuis des années. S'ils avaient voulu voler nos plans, ils s'y seraient pris bien avant, croyez-moi. Si vous le dites, pouvez-vous me fournir une liste de tous vos clients qui ont abordé l'usine ces 10 derniers jours ? Avec plaisir. Passons à mon bureau. Comment s'est passé ton passage à Issup ? Il a été plus long que prévu, mais le directeur m'a remis une liste de tous les navires de passage à Issub avant et pendant l'incident. Il y a une 50aine de noms. Parmi ceux-ci, les chantiers spatiaux de Lubdocs, vers lesquels nous faisons route, MIC Engineering et GCN. Je te la télécharge. Mets quelques-uns de tes limiers là-dessus, tu veux ? Je suis là pour ça, mon vieux. Et de ton côté, quoi de neuf ? J'ai une liste des ennemis potentiels du ministre. Je te l'envoie. Crash ! Elle est longue ! Eh oui ! Il semble que notre ministre des Finances ait des comptes à rendre à toute la galaxie, ou presque. Il est diplômé S-insulte ou quoi ? Pour l'instant, nous nous concentrons sur les premiers noms. Le premier, Glopenskiel, conseiller adjoint pour le Padre Inc., est passé en jugement la semaine dernière et a été reconnu coupable de détournement de fonds. Le ministre était le principal témoin de la couronne. Je vois. Où est ce Glopenskiel maintenant ? Au fond d'un trou, sur Prixian. Les mines d'Irium ? Tout juste. Dans ces conditions, difficile pour lui d'organiser l'enlèvement de la fille du ministre. C'est aussi mon avis. Les 3 noms suivants appartiennent à d'importants industriels de Trajan. Rami Kotef, Klaus Bundok et Cristobal Davernis, en quoi sont-ils suspects ? Le ministre enquête présentement sur leurs affaires. Que sait-on d'eux ? Guère plus que ce que je t'en ai dit. Mes limiers, comme tu les appelles, vont contacter les enquêteurs du ministre, et nous verrons bien. Mais chose certaine, tous 3 ont une excellente raison de vouloir faire pression sur le ministre, l'empêcher de regarder leurs affaires de trop près. Et tous 3, vu leur position de pouvoir économique sur Trajan et à l'étranger, ont les moyens d'exercer cette pression. Et du côté des ennemis de la fille, on a regardé ? Pourquoi faire ? Un capper comme le sien, il est à peu près certain que c'est lui que l'on vise à travers elle. On ne sait jamais. D'accord, comparé au requin, la sangsue semble inoffensive. Pourtant, elle est suffisamment détestable pour motiver notre désir de nous en débarrasser au plus vite. Où diable piches-tu tes comparaisons ? On dirait les prophéties de Madame Ramona. Ça doit être Gus qui déteint sur moi. Garçon ! Cela dit, La fille du ministre a peut-être dans son passé un amant écarté, une jalouse, ou quelqu'un qui convoite son pécule, que sais-je. Je t'assure, il vaut mieux vérifier. Bon, je mets quelqu'un là-dessus. Tiens-moi au courant. Ça va de soi. Il vaut mieux sans doute que tu passes sous la douche sonnée que tu sèves un carafon de pseudo-café avant de venir au poste de pilotage. Oui, constate que tu as à nouveau apparence humaine, garçon. Excellent! On va pouvoir enfin se mettre à la tâche! Les chantiers spatiaux de Lubdox? En effet, garçon. Un des 5 chantiers spatiaux principaux de l'Alliance. Ça grouille comme dans un igep là-dedans. Et derrière, la planète ancrage, t'es que faux. Grossissement 20%, Gus. Voilà! Ouf! T'as vu l'immense carcasse du croiseur lourd qu'on est en train de monter ? Près de lui, la grue spatiale qui descend un des énormes générateurs nécessaires au système de propulsion pulsionique paraît insignifiante en comparaison. Quelles sont toutes ces mouches qui virevoltent tout autour ? Grossis encore, tu veux, Gus ? Crash ! Ces mouches sont en fait des ouvriers dans leur bulle. Oh, ça me donne le frisson. Il faut être complètement fou pour travailler à bord de ces minuscules sphères transparentes que l'on dit fragiles comme du cristal. Chacune est munie de 5 ou 6 bras, équipée de mains mécaniques et autres outils bizarres. Que font-elles ? Elles guident l'immense générateur à bord du quasar. Le dirigeant vers son emplacement final, garçon. À cause de la pesanteur, les manipulateurs doivent littéralement le pousser à l'endroit où il doit aller. Il leur faut travailler avec un ensemble parfait, sous peine de mettre un des leurs en situation précaire, le coinçant entre la masse du générateur et une paroi. Dingue! Tu peux ramener le grossissement à 20%, puis effectuer un balayage vers la droite. Yeah, mon capitaine! Tu peux m'expliquer un peu ce que tu cherches? Pourquoi ne fonce-t-on pas dans le tas? Et ensuite? Et ensuite quoi? Stop, zoom in! Là, le remorqueur! Avec un autre monstre de l'espace à sa suite. Terminé celui-là. Non, ça ne va pas. Reprends le balayage. Voilà un second chantier. Un yacht partiellement monté, un autre plus loin, et un autre encore. Comment vais-je trouver l'information que je recherche dans cette jungle de métal ? La réponse la plus évidente est par l'informatique, bien sûr. Toutefois, il y a un hic majeur. Même si Gus réussit à se brancher au réseau du chantier sans déclencher le système d'alarme, il lui sera impossible d'accéder aux banques de données. De nos jours, avec la complexité des codes d'accès multiples et piégés, Il est pratiquement impossible de pirater un système. Qu'est-ce qu'on fait, garçon ? Bonne question. Écoute, on sait que Lubdox ont acheté le propulseur hyperspatial que nous recherchons. Un engin sortant d'Issub. C'est le haut de gamme, le Nec plus Ultra. Pas le propulseur standard que l'on installe dans tous les yachts. Je suppose donc que c'est à la demande du client que Lubdox l'ont commandé à Issub. Il s'agit maintenant de découvrir l'identité de ce client. Au moins, je sais ce qu'on cherche maintenant. Tu as une idée outre le réseau informatique ? Non. À quoi m'a servi de t'expliquer ce que je cherche alors ? Par là, c'est une bad, garçon. Laisse-moi au moins le temps d'y réfléchir. Je ne vois qu'une solution. Trouver un responsable des ventes. Par la Sainte-Barbe, j'ai trouvé. Il faut dénicher un responsable des ventes. Misère. Elle est belle, la technologie moderne. Bonne idée, Gus. Mais où ? Je ne vois pas ce genre de personnage traîner par ici, garçon. Seulement, il y a un bureau quelque part où il se terre. Attends. Oui, effectivement, il y a un bureau. Des bureaux, devrais-je dire. Ils sont localisés à l'intérieur d'un transporteur spatial, entièrement rénové pour l'occasion. D'après ce qu'on en dit, ce serait un petit chef-d'œuvre de décoration intérieure. Beau travail, mon vieux. Et où se trouvent ces bureaux ? Le véritable labyrinthe, ce chantier. J'ai pu me brancher sur la fréquence de communication du remorqueur. Pour qu'il puisse se retrouver, le plan du chantier avec ses incessantes modifications lui est communiqué en continu. Mais je t'avertis tout de suite, ça ne sera pas de la petite bière que d'atteindre les bureaux. Je te laisse les commandes, vieux pirate. Enfin une décision sensée. Mais avant, prends rendez-vous pour moi auprès du responsable des ventes. D'accord, garçon. Avertis-moi si tu as un problème insoluble. Je retourne au pieu. Ah, le département des ventes, enfin. Il y a 20 minutes que je le cherche. Bonjour, bonjour, bonjour, mon cher ami. Je me présente, Yachim Brezhnev, premier assistant et votre humble serviteur. Puis-je vous intéresser à notre catalogue ? Voici. Prenez place dans ce confortable siège. Nous avons une aubaine incroyable sur les croiseurs légers cette semaine. Retour d'une commande d'un monarque destitué qui s'est malencontreusement décommandé. Mais le matériel est comme neuf, je vous le garantis. Vous voulez le voir ? Je peux vous y mener si vous le désirez. Et à 60% du prix de base, vous faites une affaire. Sûr qu'il n'encombrera pas longtemps notre voie de garage. Yachim ? Oui, madame ? Est-ce que Monsieur Strad est arrivé ? Non, madame. C'est moi ! Monsieur Strad ? En personne. Je n'ai que peu de temps à vous accorder. Vous êtes en retard. Désolé, madame. C'est bon. Suivez-moi dans mon bureau. Je suis Antazaeli, directrice des ventes de Lubdox. Alors, que puis-je pour vous ? Je cherche un yacht. Quel modèle ? Celui muni du propulseur provenant d'Issub. Oh, nous n'avons pas ce genre de yacht en stock. Nous ne le fabriquons que sur commande. Je sais. Et vous voulez le vôtre pour quand ? Madame Ellie, vous m'avez mal compris. Je veux retrouver un yacht particulier, pas en acheter un. Ah bon ? Et quel est ce yacht particulier que vous désirez retrouver, Monsieur Strad ? Si je le savais, ma chère, je ne serais pas devant vous. Combien de yachts de ce type particulier avez-vous vendu à ce jour ? De mémoire, je ne saurais vous dire. Mais accompagnez-moi et je vous dirai tout. Vous accompagner ? Je veux bien, mais où ça ? Vous verrez bien. Mais que faites-vous ? Vous le voyez bien, je me dévêtis. Oui, mais... Madame Ellie, je suis en service. Je n'ai pas vraiment le temps pour ce genre de loisirs. Monsieur Strad, vous m'avez demandé une information. Je m'apprête seulement à vous la communiquer. Cette combinaison caoutchoutée que vous enfilez, c'est... Une interface pour l'informonde, Monsieur Strad. Qu'alliez-vous imaginer ? Bien, enfin... Alors, Monsieur Strad, vous m'accompagnez ? Vous ne pourriez pas aller chercher l'information et revenir me la dire ? Je n'ai jamais aimé ces machins. J'en ressors toujours avec la désagréable impression qu'on m'a joué dans la tête. Auriez-vous peur de vous retrouver seul avec moi dans l'informonde, monsieur Strad ? Et puis si vous ne venez pas, qui vous dira que je ne vous mens pas ? Prêt ? Prêt ! Plutôt sobre le décor, non ? Un espace vide, noir, sans plancher, sans mur, sans plafond, dans lequel il serait si facile de devenir fou si ce n'était de la porte dans son cadre vermoulu qui s'ouvre devant moi et la présence de l'avatar de Antaza Eli, qui a pris l'apparence d'une nymphe légèrement vêtue. Ce lieu est mon univers. Il n'en tient qu'à vous de le remplir, Les. Oui, bon. Peut-être plus tard, si vous le voulez bien. Pour le moment, mademoiselle Ellie, je préférerais que vous me communiquiez les informations que je suis venu chercher. Je suis sûr qu'ensuite, je trouverai moyen de vous témoigner ma gratitude. Yahoo ! Venez, Les, venez. Quel est ce bruit ? Nous sommes au cœur du système, Les. Et ces infos ? Quelle hâte, Les. Joli ce ballet tout en chassé, pirouettes, gambades et grands écarts qu'effectue la nymphe dans ce qui sert de ciel à ce curieux univers. Curieuse façon de récupérer des informations toutefois. Ah, voici qu'apparaît une liste géante de noms numérotés. Quelque chose ne va pas dans cette liste. Il devrait y avoir 23 noms, un pour chaque numéro, mais il n'y en a que 22. Quelqu'un a altéré le fichier ? Assurément. Vous savez qui ? Non. Jusqu'ici, je faisais pleine confiance à mon personnel. Qui y a accès ? Tous les vendeurs de l'Updox. Si on a tenté d'effacer un nom, c'est qu'il devait avoir une importance. Voyons s'il n'y a pas moyen de le récupérer. Vous vous y connaissez en informatique ? Un peu. Mais votre informonde me cause des problèmes. Il ne m'est pas suffisamment familier pour que j'y évolue à l'aise. Voyez-vous un inconvénient à ce que je fasse appel à un expert ? Pas le moins du monde. Plus on est de fous. Mais où trouverez-vous un expert ? Mettez-moi seulement en contact avec mon aviso et vous verrez. Soit. Coup de poing. C'est moi, Gus. Ah, garçon ! Ça va comme tu veux ? Non, pas vraiment. J'ai besoin de ton aide. Enfin ! Je suis présentement dans un monde virtuel. Tu peux me rejoindre en suivant la voie de communication ? Sans problème, garçon. J'arrive. Jolie sirène ! Si tu as un peu fini de t'intéresser aux courbes de mademoiselle Ellie, tu pourrais peut-être te pencher sur mon problème. Problème ? Quel problème ? Oh oui, le problème ! Quel est ce problème, garçon ? Tu vois cette liste suspendue dans le ciel ? Difficile de le rater. Quelqu'un s'est amusé avec ce fichier. Tu vois, il manque un nom. Je vois, et tu voudrais que je le retrouve ? Tout juste. Ouais, ce sera vite fait. Vantard, va. Mignon, votre copain. Vraiment ? Il faut aimer le genre rouquin barbu et borgne. En l'attendant, nous pourrions peut-être faire plus ample connaissance ? Oui, bien sûr. Mais il a dit qu'il ne serait pas long. Nous aurions bien assez de temps pour un petit baiser. Mademoiselle Ellie. Antaza. Antaza. Je ne vous dérange pas trop. Pas du tout. Tu as trouvé ? Évidemment. Il s'agit d'un certain contre-tu-là. Il habite un patelin nommé Urmani sur la planète Geuse. Je vois. As-tu comparé les signatures des propulseurs de ces 22 yachts inscrits au fichier avec celles du bâtiment qui a servi au ravisseur de la fille du ministre? Oui, et le gagnant est... Le Sanguin, le yacht du comte Radula. Crash, c'est le nom qu'on a essayé d'effacer de la liste. En effet, cela dit, il est d'une maladresse monumentale, l'apprenti pirate. Sûrement un amateur. Tu parles de qui, là? De celui qui a trafiqué la liste? Évidemment. De qui crois-tu que je parle, garçon? Ce sont les attentions de la petite sirène qui t'amollissent le cerveau? Très drôle. Qu'est-ce qui te fait croire que l'apprenti pirate, comme tu dis, est un amateur? Parbleu, garçon, il a laissé ses empreintes partout. La date et l'heure de son forfait, le numéro du poste où il a opéré, et comme si cela ne suffisait pas, il a même oublié d'effacer son code d'identification. Tu sais donc qui a fait le coup? Mais oui, c'est ce que j'essaie de te dire, garçon. Alors ne reste pas là à nous faire languir. Dis-nous qui c'est. Yachim Brezhnev. Pas possible! L'avorton, le cancrelat, la punaise d'Iridis, me faire ça à moi! Les éditions de l'avenir vous ont présenté le deuxième épisode de l'estrade agent spécial de Christian Martin, Les Chantiers de Loup Doc, avec Christophe dans le rôle de l'estrade, Kael dans le rôle de Gus, Fred dans le rôle de Brownierhead, Kael dans le rôle du directeur du sub, Ezwa dans le rôle de Antaza Eli et Michael Cadillac dans le rôle de Yakim Brezhnev. Dans le prochain épisode, Laës parviendra-t-il à sauver Brezhnev de la fureur de Antaza Eli? Ne manquez pas nos précédentes productions et celles en cours. Visitez l'avenirudio.canalblog.com. L'histoire et les personnages appartiennent à leur auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons et est une production 2010 des Éditions de l'Avenir. Votre présentateur, Christian Martin. Merci de votre attention. À bientôt. Et voilà pour le deuxième épisode de l'estrade agent très spécial. Mentionnons enfin que le roman fut développé d'une nouvelle que vous retrouverez dans un recueil gratuitement disponible en e-book sur Feedbooks à fr.feedbooks.com/userbook/22046/. Que s'est-il passé depuis le mois dernier? Mon iMac a fait pouf! Petite explosion avec fumée et tout. La catastrophe. Avais-je tout perdu? Non, car j'avais eu l'intelligence, 2 semaines plus tôt, de faire un backup du projet Mazas sur un disque externe, ainsi que des projets canadiens en cours. Mais pas les projets de roman, ni les données généalogiques sur lesquelles je travaille depuis des années. Heureusement, Fred et Gabriel me mentionnèrent qu'il était possible de récupérer les données du disque dur du iMac. Donc, de front, commander un Mac mini, finance oblige, le kit pour transférer le contenu du disque du iMac sur le nouvel ordi, visionner des vidéos sur YouTube pour apprendre comment récupérer le disque du iMac. Bref, beaucoup de zigonnage pour remettre mon système en train. Merci à Gab, Fred, Armen, Ezwa, K00 pour le soutien moral, les conseils et les fichiers que je craignais perdus. Merci aussi à Warwick Wilson pour avoir sauvé mes données généalogiques. Malgré tout, utilisant l'ordi de ma conjointe, je suis parvenu à faire les mises en ligne hebdomadaires des nouveautés audio des éditions de l'avenir. Tout le mois de juillet fut consacré aux divers chapitres de la 5e aventure de Mazas Pavel, Le danger surgit du passé, d'André Bory. L'émir et ses compagnons se trouvaient dans la salle principale de la petite maison qui avait été mise à leur disposition par le guide de la race. Le vieux Brogue, après l'anéantissement d'une de ses cités et la mort de bon nombre de ses compatriotes, avait rapidement mis fin à leur entrevue, ayant hâte de pouvoir se consacrer aux événements dramatiques qui venaient de frapper les siens. Avant de se séparer d'eux un peu précipitamment, il leur avait néanmoins promis de mettre prochainement un astronef à leur disposition afin qu'ils puissent rejoindre au plus vite l'Empire solaire. J'espère que nous n'allons pas rester trop longtemps ici. Sans cette attaque odieuse contre la cité, nous serions déjà à bord d'un de leurs vaisseaux, en route pour retourner chez nous. Il est vrai que tout retard peut s'avérer fatal pour Atlan et Mori, mais nous ne pouvons qu'attendre le bon vouloir de nos nouveaux amis. Ya a parfaitement compris notre problème, et je suis sûre qu'il tiendra ses promesses. Oui, mais quand ? Il ne me semble pas avoir la même notion que nous de la durée. Laissons-lui le temps de récupérer du drame imprévu qui vient de frapper son peuple. Je ne crois pas que cela sera très long. En attendant, nous ferions mieux d'en profiter pour nous reposer un peu. Qui sait lorsque nous en aurons de nouveau l'occasion. Le chef de service parle dehors. Quelques instants plus tard, chacun avait rejoint sa couche. Ils étaient endormis depuis 6 heures environ, lorsque l'émir fut réveillé par un contact télépathique. Il se redressa, l'esprit aussitôt en éveil. Ses sourcils se froncèrent au fur et à mesure du déroulement de la conversation. Sa décision fut rapidement prise. J'arrive. Il se dématérialisa. Lorsque ses compagnons se levèrent et rejoignirent la salle commune, ils y trouvèrent le mulot castor assis sur l'un des sièges, les coudes sur la table et la tête entre les mains. Que se passe-t-il ? Corlan est encore pire que je ne le supposais. Il est en train de détruire cette planète. Quoi ? Je viens de passer près de 2 heures avec Ya et ses conseillers. J'avais été alerté par un appel du guide de la race et je suis allé le retrouver dans la salle où il nous avait reçus. Tout ce petit monde était très agité, et à juste titre, car il venait de s'apercevoir que le magma subterrestre se déversait dans l'océan par de larges failles. Ils ont d'abord cru qu'il s'agissait d'un phénomène naturel, mais je me suis rendu sur place et j'ai été obligé de leur dire que c'était une bombe de type arconide, en l'occurrence peut-être une ou plusieurs d'ultra-sars hydrogène-hélium, qui en était la cause. Malheureusement, depuis mon départ de Perdita, j'ai eu trop souvent l'occasion d'assister aux effets de ces monstruosités pour ne pas les reconnaître immédiatement. Et l'Aspar posséderait de telles saloperies ? S'ils ont pu se procurer des bombes gravifiques, sans doute auprès des francs-passeurs, il n'y a aucune raison qu'il n'en soit pas de même pour celle-ci. Que va-t-il se passer maintenant ? La réaction en chaîne est amorcée, donc dans une semaine au maximum, il ne restera plus rien de ce monde. D'ailleurs, suite aux nombreuses failles par où s'échappe la lave originelle et aux réactions qu'elle produit au contact de l'eau, il est probable qu'il se scindra en morceaux bien avant. C'est pourquoi les Brogues vont reprendre leur voyage dans l'espace afin de rejoindre un système qu'ils ont découvert depuis peu durant leurs expéditions et dont les caractéristiques de l'astre tutélaire sont similaires à celles de celui de leur monde d'origine. Mais « similaire » ne veut pas dire « identique » et malheureusement, ce n'est pas encore là que leur race va pouvoir se régénérer. C'est pourquoi j'ai promis à Yaa, à condition que nous parvenions à rentrer chez nous bien sûr, de consulter les cartes arconites pour tenter d'y trouver l'astre idéal. S'il existe, bien entendu. Ouais. J'espère qu'ils finiront par aboutir dans leur quête. Mais entre-temps, que devenons-nous ? Nous attendons l'arrivée de Ida qui doit nous conduire vers le vaisseau qui nous a été attribué. À quoi ressemble notre nouveau moyen de transport ? Aucune idée, mon ami. Je ne connais que le nom qu'il porte en langue brogue. Un Zuma. Mais je fais toute confiance à tes talents de pilote pour l'avoir rapidement en main. S'il y a de quoi y mettre les mains. Ils n'eurent pas trop à attendre. Moins de 2 heures plus tard, Ida se présentait sous sa forme ectoplasmique. Après quelques instants de conversation entre lui et l'émir, ce dernier expliqua à ses compagnons « Nous allons nous rendre au spatioport. Tous ses compatriotes sont en train de se préparer à un nouvel exil et s'y dirigent également. Notre vaisseau nous attend là-bas avec un pilote mis à notre disposition. » Information qui eut le don de blesser quelque peu la susceptibilité d'Irsing. Lui, qui s'était toujours vanté d'être capable de manœuvrer n'importe quel appareil, Ida fit mémoriser leur destination au mulot castor, puis il s'évanouit dans les airs. Lilt, sans perdre de temps, attrapa ses amis deux par deux et les transporta à l'endroit indiqué par le Brog. Le spatioport pouvait accueillir quelques centaines d'appareils de tailles diverses et les indigènes montaient à bord des plus imposants, sans hâte et en bon ordre. leur astronef, un petit bâtiment en forme de goutte d'eau, aspect commun à tous ceux qui s'alignaient sur le tarmac, stationnait un peu à l'écart des autres. Ils firent la connaissance de leur pilote, If, qui leur fit les honneurs du vaisseau. Un peu désappointé, Steve dut s'avouer qu'il aurait été bien en peine de le piloter. Pas un seul instrument de la centrale ne lui paraissait familier. À la question de Mazas, concernant l'armement à bord, celle-ci eut la surprise d'apprendre qu'il n'y en avait pas. De plus, le bouclier énergétique semblait nettement moins performant que celui des flottes terraniennes. C'est bien beau d'être pacifiste, mais parfois, quelques bons désintégrateurs ne peuvent pas faire de mal. Ayant fait un rapide tour des lieux, ils déposèrent leurs rares affaires dans de minuscules cabines. Il vaut mieux ne pas être claustrophobe. Et être habitué à la dure. Renchérit Black Bear en constatant qu'il n'y avait ni lit, ni siège, le mobilier consistant en une table étroite fixée dans le sol et un bac rempli de terreau. Ils rejoignirent Steve et son instructeur dans le poste de navigation, d'où ils purent suivre ce qui se passait à l'extérieur sur un écran de contrôle sphérique. Les brogues, toujours dans le calme le plus complet, continuaient à emprunter les rampes d'accès au vaisseau de transport et s'arrêtaient quelques instants pour se faire enregistrer, juste avant de franchir le sas. Les pauvres gens, les voici une fois de plus, obligés d'abandonner le monde qui les a recueillis, et sans rien emporter avec eux. Ce Carlan est un monstre! Si l'occasion se présente, Arx lui fera payer sa vilainie. Il venait de prononcer sa sentence lorsqu'une forme ectoplasmique apparut dans le poste avant de se matérialiser sous la forme d'une fleur de 1,80 m à la corolle rose pâle. Les deux brogues s'étreignirent rapidement avant qu'If ne fasse les présentations à l'attention de l'émir. Celui-ci s'adressa à ses compagnons. Nous allons avoir le plaisir de voyager avec Imaa, qui est la compagne de notre pilote. Yaa a autorisé à se joindre à nous. S'ils ne retrouvent pas leur peuple, ils auront toujours la possibilité de jouer à Adam et Ève et de recréer une race de Brogs sur une de nos planètes. Non, hélas. Pour procréer, les membres de cette race doivent impérativement être à trois, la présence d'un neutre étant indispensable. Neutre ? Oui, ils doivent être à trois, un mâle, une femelle et un neutre. Mais ces derniers sont très rares, si bien que le guide de la race n'a pas voulu se passer de l'un d'eux. L'arrivée d'Ida interrompit la conversation. Leur nouvel ami venait leur faire ses adieux et leur souhaiter bonne chance. Au moment de prendre congé, il les serra brièvement contre lui en un geste très humain. Puis, il se dématérialisa, tourna une ou deux fois dans la centrale sous sa forme de fantôme et disparut. C'était un brave type. J'espère vraiment qu'ils vont trouver un monde compatible avec leur nature. Souhait qui fut approuvé par tous. Quand partons-nous ? Nous attendons le signal du départ simultané de toute l'armada qui sera donnée par Yaa lorsque tous les blogs auront pris place à bord des vaisseaux. Projet de Garpo, il ne reste plus que deux nouvelles à distribuer. Donc, si vous voulez prêter votre voix au projet, n'hésitez pas, contactez-moi à terran932@yahoo.com. Par ailleurs, vous seriez intéressé à devenir réalisateur bénévole pour les éditions de l'avenir? Il y a toujours plusieurs projets audio en cours, mais qui tardent à aboutir faute de temps pour les réaliser. Le montage prend beaucoup de temps. Je ne dirai pas non à quelques valeureux volontaires. Si ça vous intéresse, faites-moi signe. En terminant, notez que l'émission que vous écoutez est disponible sur la page qui lui est consacrée sur Canal Blog, l'avenirpodcast.canalblog.com, ainsi que sur SoundsMap, en transition sur Podomatic à l'avenir.podomatic.com, sur Podcast France et via le Miro Guide à www.miroguide.com/audio/16760. Vous pouvez nous retrouver également sur Twitter à twitter.com/l'avenir audio, ainsi que sur Google Plus sous Christian Martin. Nous sommes également sur Pinterest à pinterest.com/l'avenir audio. Et voilà, ainsi se termine cette 10e émission de la 2e série. Rappelons enfin que vous retrouverez toutes nos productions audio à l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.